تبغيني تعشق فيا وياك متاح ليا لقيت لي راني أوسير وبلدي شبه لي وياه يتمشى كيفي عمري تبغيني يتعشق فيا يا تبغي تبحر يا تطوش فضيها روهي Hey, ne les compare pas, il veut se faire de l'oseille, ressembler à papa. Il kiffe les gros cylindrés comme son padré. Ruina à la zombie, faut l'encadrer. Il fait le gospo, il fait le costaud. Ne parle qu'en texto, pas de ceux qui causent trop. Si le papa tombe le fiston, la maman est fière de son homme et de son fiston. Barcelona, Hicham Abdel Sarrazin, Othman El Khoum, ولدي شبه لي.